Chapitre 5e, Al-Mahboula. Sur la place, une jeune fille apparaît. D'une vingtaine d'années, elle porte des vêtements pauvres, déchirés et plutôt sales. En contraste avec son physique bien proportionné et son visage très régulier et agréable à voir. Elle s'approche d'une manière gauche, tenant en main un bouquet de marguerites des champs, au centre jaune et aux pétales blanches. Arrivée tout près de Saïd, elle s'arrête, saisit une fleur du bouquet et l'offre d'un charmant geste. Le bénéficiaire, perplexe, la considère un instant. Il hésite. La jeune fille lui sourit, lui prend doucement la main droite, y met la fleur, puis, satisfaite, s'en va. Saïd, hébété, immobile, la regarde s'éloigner. Quand elle disparaît de sa vue, il met la fleur dans la poche de son pantalon puis se remet au nettoyage. Tout le quartier non pas connaît mais a vu cette mystérieuse jeune fille. Personne ne sait d'où elle vient ni où elle habite. On l'appelle Al-Mahboula, la folle. Par un miracle inexplicable, personne ne semble avoir attenté à la pudeur de cette malheureuse. Curieusement, elle paraît respectée, ou plutôt, sa folie jouit d'une sorte de respect étrange. Un djinn la possède, affirment les superstitieux. Concernant les personnes ayant perdu la raison, on pense qu'il s'agit d'un démon, aussi méchant que puissant. Pour ne pas en subir les fâcheuses conséquences, il faut l'éviter absolument. Donc, ne pas provoquer ou attenter à la personne habitée par ce djinn. Bien que mal vêtue, les cheveux épars et le corps mal entretenu, on devine que cette jeune créature fut belle dans le passé. Sur son visage, d'un ovale régulier, bronzé par le soleil, ses grands yeux noirs étincellent d'une lueur aussi intense qu'étrange. Tour à tour, Silafid puis Karim s'approchèrent dans le passé de cette infortunée dans l'espoir de l'aider à sortir de sa situation. Elle se contentait de réagir avec un regard d'une tendresse bouleversante, puis elle s'éloignait en marchant, comme si elle flottait sur le sol, à la manière des anciennes femmes chinoises et japonaises. Silafid, Karim et bien d'autres personnes sensibles et généreuses craignaient de voir cette jeune fille subir des maltraitements et même un viol. Mais, très curieusement, dans cette société où la violence est quasi endémique, cette jeune solitaire semble provoquer une crainte, due à la peur du fameux djinn. Mais jusqu'à quand ? Se demande avec inquiétude la plupart des gens, en la voyant surgir de temps en temps sur la place, qu'elle traverse comme un fantôme. Cependant, un spectre constitué d'un corps bien alléchant, désiré par les hommes. Voici ce que personne ne sait de cette Mahboula. Quelques années auparavant, à l'âge de 16 ans, elle se mit à fréquenter une troupe de théâtre amateur dans un quartier périphérique. Un soir, après des répétitions qui durèrent tard le soir, sur le chemin du retour à pied vers sa demeure, un orage effroyable éclata et se prolongea longtemps. Il la contraignit à chercher un refuge. Elle ne trouva rien. Sur la route, une voiture vint à passer. Elle s'arrêta. Le chauffeur ouvrit la fenêtre du véhicule, regarda avec surprise la toute jeune fille un instant, puis lança, très inquiet, « Que fais-tu ici ? J'entre chez moi. Où habites-tu ? À environ une demi-heure d'ici. Mais tu vas crever de froid. » répliqua-t-il, encore plus préoccupé. Il ajouta de sa voix la plus gentille. « Allez, viens, viens, monte dans la voiture, je te porterai chez toi. » L'interpellée, d'une nature confiante et douce, n'hésita pas. Une fois dans la voiture, le chauffeur partit. Quelques minutes après, il porta celle qu'il avait recueillie dans une chambre. Là, il lui proposa une relation sexuelle. Elle refusa. Il recourut à la force. Elle résista, cria, se démena, supplia. En vain. L'animal réussit à la violer de la plus sauvage manière. La victime perdit connaissance. Un peu plus tard, elle se réveilla dans un champ humide de la périphérie lointaine d'Oran, près de la Sebka, le lac Salé. Faisant appel à toute la force qui lui restait, elle rentra chez elle. À sa mère, elle se contenta de justifier son absence nocturne par la prolongation des répétitions théâtrales. Elle poursuivit ses études pendant une année, mais n'alla plus aux répétitions. Un matin, au lieu d'aller au lycée, elle retourna dans le champ où elle se réveilla après son viol. Là, elle recueillit des marguerites. Pourquoi ? Lors des dernières répétitions théâtrales, elle incarnait Ophélie dans la pièce de Shakespeare, Hamlet.